الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on commence tout de suite avec le dars du tafsir. Donc on commence par la sourate Al-A'la. Comme ça on essaye de terminer le dernier hizb du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. Donc cette sourate, sourate Al-A'la, c'est une sourate qui se distingue par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de la réciter dans la prière de l'Aïd, dans la première raka'a de la prière de l'Aïd, dans la première raka'a de la prière du Jumu'ah, et également dans la première des deux raka'a qui précède le witr. C'est-à-dire quand il terminait par trois raka'a, la première de ces trois raka'a, il récitait dedans Sabbih isma rabbikal a'la. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est de façon recommandée et de façon non constante. C'est-à-dire qu'il n'est pas recommandé de le faire de façon absolument continuelle. Mais c'est des choses à faire souvent. La preuve, c'est que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il récitait d'autres choses pendant le Jumu'ah. Et pendant l'Aïd, il est rapporté qu'il a récité d'autres sourates. Donc souvent, c'est recommandé de souvent réciter cette sourate-là dans la première raka'a du Jumu'ah et de l'Aïd. Donc le premier verset dit « Sabbih isma rabbikal a'la ». Donc « Sabbih », c'est un verbe à l'impératif. C'est un ordre qui s'adresse en apparence à une seule personne. Donc ici, cette personne, forcément, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce genre de cas, donc, l'ordre, il est valable pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est sous-entendu pour tous les musulmans après lui. « Sabbih isma rabbikal a'la », qu'on peut traduire plus ou moins par « Sanctifie le nom de ton Seigneur » le plus haut. Pourquoi je dis sanctifier? Parce qu'en fait, le verbe sabbaha, il veut dire, il est l'équivalent d'un autre verbe qui est nazzaha, qui est plus connu. Donc que veut dire sabbaha ou nazzaha? C'est-à-dire écarter d'Allah tout ce qui ne lui convient pas. Voilà le sens de sabbaha. On l'a déjà dit maintes et maintes fois. Le tasbih ou le tanzih, c'est le fait de nier au sujet d'Allah tout ce qui ne convient pas à Allah. Le fait qu'Allah, par exemple, on renie le fait qu'Allah est un défaut, le fait qu'Allah soit imparfait, le fait qu'Allah soit mortel, le fait qu'il ait une épouse, le fait qu'il ait un enfant, le fait qu'il ait un égal, le fait qu'il ait un associé, et ainsi de suite. Ça, c'est le sens du tasbih. Et quand on fait le tasbih et qu'on dit subhanallah, c'est ce sens-là qu'on dit. C'est comme si on disait « Unazzihu Allah anil uyub » C'est comme si je disais, je renie au sujet d'Allah tous les défauts, tous les manquements et tout ce qui ne convient pas à sa grandeur. Tout ça c'est dans subhanallah, dans les deux mots, subhanallah. Ici on observe qu'Allah a dit, non pas sabbih rabbaka, mais sabbih isma rabbika. Il n'a pas dit sanctifie ton Seigneur, il a dit sanctifie le nom de ton Seigneur. Pourtant, quand on sanctifie Allah, quand on fait le tasbih, ce n'est pas le nom d'Allah lui-même qu'on glorifie et qu'on sanctifie. C'est Allah. Donc pourquoi il a dit ici Isma Rabbik au lieu de dire directement Rabbik? Bien ça, on trouve sa réponse dans un autre verset. Quand Allah dit Fasabbih bismi Rabbik al-Azim. Vous avez entendu la différence ou pas? Sabbih isma et l'autre Fasabbih bismi rabbikal azim. Il y a le bi en plus. Fais le tasbih par le nom de ton Seigneur. Donc on comprend qu'en fait sabbih isma rabbikal a'la, ça signifie sanctifie ton Seigneur en prononçant son nom. Pourquoi? Pourquoi dire ça? Pour attirer l'attention sur le fait que le tasbih, il est à faire par le cœur, du point de vue de notre croyance. C'est-à-dire on croit qu'Allah est exempt de tout manquement et de tout défaut, mais on le dit par la langue. Donc le tasbih et le zikr en général, ce n'est pas juste avec le cœur. C'est avec le cœur, et ce qui est demandé dans l'islam, c'est que le zikr il soit avec le cœur et dit par la langue. Comme quand on dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah a dit Sabbih isma rabbikal a'la. Pourquoi il a mentionné le nom ici? C'est pour amener notre compréhension sur Al-Lafz, sur le fait que c'est une parole qui est demandée ici. Et pas simplement le fait de sanctifier Allah dans notre croyance. Donc le tasbih, ici c'est un ordre de faire le tasbih. Donc la question, puisque c'est un ordre, est-ce que c'est obligatoire ou quand est-ce qu'il est obligatoire? Le tasbih, qui est dans le sens croire qu'Allah est exempt de tout défaut, tout manquement, ça c'est une obligation. Et le tasbih qui consiste à dire subhanallah, ça c'est une recommandation. Ben, ça dépend. C'est une recommandation de façon générale. Et quand est-ce qu'il est obligatoire? L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a retiré de ce verset et du hadith qui dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset, il a dit aux sahaba, ija'aluhu fi sujudikum, mettez-le dans votre sujud. Et donc il disait subhana rabbi al-a'la par rapport à ce verset, c'est-à-dire en appliquant ce verset. Et fasabbih bismi rabbika al-azim, il a dit ija'aluhu fi ruku'ikum, mettez-le dans votre ruku'. C'est pourquoi dans le ruku' on dit subhana rabbi al-azim et non pas al-a'la. Et l'imam Ahmed, lui, il considère que ben là, ce sont des ordres impératifs. Et que donc, le tasbih dans le sujoud et dans le ruku' sont obligatoires. Wajib. Pas arkan, pas des piliers de la prière. Des wajibat, des obligations de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire wajib? Ça veut dire qu'il était obligé de le dire au moins une fois. Au moins une fois dans le sujoud, tu dois dire Subhana Rabbi al-A'la. Et dans le ruku' Subhana Rabbi al-Azim. Au moins une fois. Et que si jamais tu ne l'as pas dit, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, enfin, ou selon ce que vous connaissez plutôt. Sujoud sahou. Sujoud sahou, mutlaqan, dans tous les cas. Si, sauf s'il a oublié, ou s'il était jahil que... Sauf s'il l'a fait exprès. Voilà. Il y a deux cas de figure. Il l'a fait exprès, de ne pas dire subhan rabbi al-a'la, ou il n'a pas fait exprès, il a oublié. S'il l'a fait exprès... As-salat ou batila, la prière n'est pas valable. Ou alors, s'il l'a fait exprès, mais dans le sens où, pardon, on va prendre le deuxième cas de figure, il ne l'a pas fait exprès, il l'a oublié. Là, il fait sujoud as-sahou. À la fin de la prière, il fait deux sajda. Avant ou après le salam? Le mieux avant, parce que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour dans la prière, il a oublié de faire le tashahoud, à la fin, il a fait deux sajda avant le salam. Si on les fait après, c'est valable. Oui. À l'unanimité des savants, sujoud sahou, il peut être avant ou après le salam, ça passe. Simplement, ils ont divergé quand est-ce que c'est mieux de le faire avant ou de le faire après. Et selon la majorité des savants, à part l'imam Ahmed, le tasbih dans le sujoud et dans le ruku', il est juste mustahab. Il est juste recommandé. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit ça, il vous dit pas n'importe quoi. C'est simplement un autre avis. Donc, Rabbik. Al-Rab, c'est un des noms d'Allah. Al-Rab, c'est Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Al-Rab, le nom d'Allah, Al-Rab, il veut dire qu'Allah est le créateur, celui qui dirige l'univers et qui possède l'univers. Ça, c'est le nom de, le sens de Al-Rab. Et le mot Al-Rab, avec Alif Lam, on ne peut l'appliquer qu'à Allah. Alors que s'il est Mudaf, il est annexé à quelque chose, on peut l'appliquer à l'être humain. Par exemple, on peut dire Ada Farid Rabbul Ghanam. Farid, c'est le Rab des moutons. Que veut dire Rabbul Ghanam en arabe? Le propriétaire des moutons, celui qui s'occupe des moutons. Mais quand on dit Ar-Rab, ce n'est valable que pour Allah. Donc quand on dit Rabbul Samawati wal Ard, c'est lui qui, entre guillemets, s'occupe des cieux et de la terre, c'est-à-dire c'est lui qui les contrôle, c'est lui qui les dirige. Al-A'la, Sabbih isma Rabbika al-A'la. Le plus haut. Donc on en comprend que Al-A'la, c'est un des noms d'Allah, qui ressemble à son nom, Al-Ali. On a Al-Ali et on a Al-A'la. Excusez-moi. Donc dans les noms d'Allah, on a deux noms qui sont semblables, c'est Al-Ali et Al-A'la. Quel autre nom d'Allah est semblable à Al-Ali et Al-A'la du point de vue du sens, sans être semblable du point de vue des lettres? Bon, je pense pas que vous saurez me répondre. Al-Zahir. Qu'est-ce que le prophète nous a appris avant de dormir? On dit une dua dans laquelle on dit Anta al-awwalu falaysa qablaka shay, wa anta akhiru falaysa ba'daka shay, wa anta al-zahiru falaysa fawqaka shay. Ou Allah, tu es al-zahir. Rien n'est au-dessus de toi. Donc al-zahir, il a le même sens que l'Ali et l'A'la. C'est-à-dire qu'il est au-dessus. Donc les noms d'Allah, al-Ali et al-A'la, il comporte une sifa d'Allah, une qualité d'Allah qui est Al-Ulu, la, entre guillemets, la hauteur ou l'élévation. Et donc, à partir du nom Al-Ali et du nom d'Allah Al-A'la, on sait qu'Allah est Ali, c'est-à-dire il est élevé, il est au-dessus. Dans trois sens, de trois sens. Du sens concret, c'est-à-dire qu'Allah, ça on appelle ça ulou ou zat, son être est élevé au-dessus des créatures. Comme on avait vu la dernière fois l'avis de l'imam Malik rahimallah quand il disait Inna Allah fi sama mustawin ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah est au-dessus du ciel, sur son trône, et son savoir est partout. C'est-à-dire que ce n'est pas Allah qui est partout. Mais aucun endroit n'échappe à son savoir. Quant à lui, il est au-dessus du ciel et du trône, comme c'est stipulé dans énormément de versets dans le Coran. Abdullah ibn Mubarak disait, rahimahullah, donc il est de la génération de l'imam Malik, il disait Kunna naqulu wattabi'una mutawafirun inna Allah mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu fi kulli makan. L'imam Abdullah ibn Mubarak disait nous disions, alors que les tabi'in étaient encore nombreux, la deuxième génération, ils étaient nombreux, il veut dire par là, ils étaient d'accord avec ça, Allah est au-dessus du trône, distinct de sa création, et son savoir est partout. C'est-à-dire, aucun endroit n'échappe à son savoir. L'imam Ahmed rahimahullah disait Inna Allah fi sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah est au ciel, c'est-à-dire au-dessus du ciel, comme on l'a expliqué l'autre fois, et son savoir est dans tout endroit, c'est-à-dire qu'aucun endroit n'échappe à son savoir. Et l'autre chose qu'on comprend aussi de l'élévation d'Allah, c'est dans le sens de la domination, ulou al-qahr. Un des sens d'être haut, c'est aussi d'être au-dessus des autres, par la domination. C'est-à-dire que lui est fort et les autres sont faibles, ils sont sous son pouvoir. Et également, un des autres sens de l'ulou, c'est ulou al-sifat, ulou al-qadr. L'élévation des qualités, c'est-à-dire que dans toutes ces qualités, Allah est au-dessus et il est au summum de la perfection. Donc ça, c'est le sens de Al-Ali ou bien Al-A'la. Ensuite, Allah dit, donc au sujet de lui-même, Alladhi khalaqa fasawwa, et dans le verset d'après, Walladhi qaddara fahada. Donc Alladhi khalaqa, celui qui a créé. Créé, ça veut dire Aujada min al-Adam, qui a fait exister les choses alors qu'avant elles n'existaient pas. Fasawwa. Qu'est-ce que ça veut dire sawwa? Sawwa, c'est par exemple si on parle de l'être humain. Imaginons un être humain, il fabrique quelque chose. Qu'est-ce que ça voudrait dire sawwa? Ça veut dire il le. Non, ça veut dire il le fait bien, à la perfection. Il le façonne à la perfection. Donc sawwa, c'est-à-dire qu'Allah a donné à chaque créature la forme qui lui convient, la forme qu'il fallait. Et il a distingué l'être humain avec cette taswiya, c'est-à-dire avec la forme parfaite qu'il lui a donnée et par laquelle il a distingué les autres créatures. Donc il n'a pas simplement créé, mais il a créé à la perfection. Alladhi khalaqa fasawwa, et ensuite walladhi qaddara fahada. Donc qaddara, c'est avant, et après hada. Walladhi qaddara. Qu'est-ce que ça veut dire qaddara? Ça veut dire déterminé, prédestiné. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne crée toute chose, il a tout décrété, tout déterminé. Où chacun allait se trouver, ce qu'il allait faire, combien de temps il allait vivre, quelles seront ses qualités, quelles seront ses caractéristiques, tout a été qaddara, prédestiné, déterminé. Fahada, puis qui a guidé, le fa, walladhi qaddara, fahada. Le fa, ça prouve que hada, c'est après qaddara. Donc qaddara, c'est avant qu'il ait créé, il a tout décrété. Tout écrit. Fahada, et ensuite il a guidé chaque chose à ce qui lui était écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quelle hidayah dont on parle ici? Bien, c'est le fait que chaque créature, Allah la guide pour ce qui lui convient, pour sa fonction. Par exemple, le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, qui lui a appris à téter, à chercher le sein et à téter le sein? Ça, c'est ça, qaddara fahada, il l'a guidé. Il n'y a personne qui lui a appris et tu ne peux pas lui apprendre. Donc c'est ça, hada. Qui a expliqué aux abeilles tout ce qu'elles font là, quand on voit dans les reportages ou quand on lit dans des livres, ou aux fourmis, tout ce qu'elles font, on a l'impression qu'elles ont suivi des cours. Qui les a guidées à ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le sens de qaddara fahada. Ensuite, il a guidé chaque créature à ses à ce qui lui convient et à ses fonctions. Et Hada, c'est également la guidée, ou plutôt la guidance, parce que je crois que le mot guidée, en fait, il n'existe pas en français, Wallahu a'lam. En fait, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé. Et que dans les livres de traduction que je le trouve, mais dans les livres, je ne le trouve pas. Guidance, ça existe, mais c'est vieux. Bref, Fahada, dans le sens où également il a, ça c'est la guidance du point de vue de la révélation. C'est-à-dire il a créé les êtres humains et il leur a révélé les livres et envoyé les prophètes pour leur montrer le bien du mal, pour leur montrer ce qu'il veut de leur part. Wallazi akhraja al-mar'a. Et celui qui a fait sortir, al-mar'a, c'est les pâturages, l'herbe. C'est ce que les bestiaux ils mangent. Faja'alahu ghusaan ahwa. Puis on a fait ghusa, c'est-à-dire comme des débris, de la paille. Ahwa, c'est-à-dire sombre. C'est-à-dire que l'herbe, elle pousse, et puis avec le temps, elle meurt et elle s'assèche jusqu'à devenir quelque chose de sec et de sombre, alors qu'au départ, elle était verte. Donc ce verset, il attire notre attention sur le cycle. C'est-à-dire le fait qu'Allah crée des choses, elles vivent et ensuite il les ramène à leur fin. Donc ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pourrez observer quand vous lirez le Coran que souvent, quand Allah il cite ses signes, il cite toujours les extrêmes. C'est-à-dire le fait qu'une chose elle a un début, elle a une fin. Par exemple l'herbe. L'herbe elle pousse, elle est verte, elle est belle à voir, elle nourrit les animaux. Et après ça devient l'extrême opposé. Elle est morte, elle est sombre et elle ne sert plus à rien. Tu ne peux plus en profiter. Ensuite, Allah a dit « Sanuqri'uka fala tansa »« Sanuqri'uka »« Nous te ferons réciter fala tansa »« Fala tansa » c'est encore « fa » c'est-à-dire « de sorte à ce que tu n'oublieras pas » Donc ça, c'est une promesse d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il va lui apprendre « al-qira'a » il va lui faciliter « al-qira'a » « fala tansa » et donc le « hifz » aussi. Et par l'intermédiaire de qui est-ce qu'Allah a fait ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par l'intermédiaire de Jibril. C'est Jibril qui a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, qui lui a appris à le réciter, et Allah s'est chargé de le préserver dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de ce qu'on appelle dala'i an-nubuwa, les preuves de la prophétie. C'est-à-dire que, comment on peut imaginer si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un prophète, qu'il ait déjà inventé ce livre, en plus il aurait fallu, après qu'il l'invente, comment il aurait fait pour le mémoriser? Surtout qu'il était illettré. Comment il aurait fait? Chacun d'entre nous, il sait que c'est très difficile d'apprendre le Coran. Donc ses compagnons, ils devaient venir devant lui et réciter, apprendre, etc. Mais si lui-même, il l'avait inventé, comment il peut l'inventer et aussi le mémoriser? Il aurait fallu qu'il le copie quelque part et qu'il le récite jour et nuit comme quelqu'un qu'on connaît quand il... comme ce qu'on voit quand quelqu'un il veut apprendre le Coran. Et dans le verset d'après, Allah dit Illa ma sha Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Sauf ce qu'Allah veut. C'est-à-dire tu n'oublieras rien du Coran sauf ce qu'Allah veut. À quoi ça fait allusion ce verset? À ce qu'on appelle un nasr. On le comprend avec le verset de sourate Al-Baqarah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. C'est-à-dire qu'Allah abroge des versets. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il recevait des versets de la part d'Allah, et certains de ces versets, Allah les abrogeait. C'est-à-dire qu'il disait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ne plus les réciter. Et donc quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de sa mort, Jibril est venu lui faire ce qu'on appelle Al-Arbatul Akhira, le dernier, l'Arba. L'Arba, c'est quand on expose quelque chose. Le dernier, je ne sais pas comment on peut dire, la dernière fois qu'il lui a récité tout le Coran, pour lui montrer de façon définitive avant qu'il meure, qu'est-ce qui est du Coran et qu'est-ce que tu dois ne plus réciter. Les versets qui sont abrogés et aussi l'ordre des sourates et des versets. Et plusieurs compagnons ont assisté à l'Arba al-Akhira, dont Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Et c'est notamment une des causes pour lesquelles Uthman plus tard, on va en reparler plus tard, Uthman ibn Affan plus tard, il a demander à ce qu'on réunisse les exemplaires du Coran qui étaient dans les contrées musulmanes et qu'on les brûle. Pourquoi? Parce qu'il arrivait que certains compagnons ignorent que tel ou tel verset était abrogé et ils le récitaient, alors qu'il ne fallait plus le réciter. Et donc pour affirmer cette dernière arba de Jibril, eh bien, il a fait ceci. On va s'arrêter là pour le tafsir. Comme on a dit, on essaie de faire 20 minutes pour chaque matière. Tu peux reposer. On va passer au fiqh. En fait, on finira avec le. On commence par le tafsir parce que le Coran, c'est le plus important. Après, comme on est chaud, on fait le fiqh parce que c'est ça qui demande. Qui est un peu compliqué. Et puis après, le hadith, c'est plus facile. Comme ça, on termine tranquille. Donc, pour le fiqh, je vous ai dit d'acheter et de vous procurer le livre Taysir al-Fiqh. La jurisprudence simplifiée de Salih ibn Ghanim al-Sadlan, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Rahimahullah, c'était un savant de la ville de Riyad. Donc déjà le titre, en fait de quoi ça parle? Ça parle de Al-Fiqh. C'est une matière Al-Fiqh. Dans les disciplines musulmanes, il y en a une qui s'appelle Al-Fiqh. Al-Fiqh à la base en arabe, ça veut dire Al-Fahm, comme on le trouve dans le Coran. Ya Shu'aybu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Quand les gens de Madian, ils ont dit à Shu'ayb, on ne comprend pas la plupart de ce que tu dis. Quel mot est cité? Ma nafqahu. Donc faqiha yafqahu, ça veut dire comprendre. Et dans le vocabulaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot fiqh, il a un sens un peu plus grand que comprendre. C'est comme al-ilm, plus ou moins. Comme quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne le fiqh. Il lui fait comprendre la religion. Ici, le fiqh, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas simplement de comprendre la religion, c'est aussi l'instruction. C'est-à-dire que celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion et il l'instruit dans la religion. Il lui facilite le fait d'apprendre la religion. Et dans le vocabulaire des salafs, des sahaba et des tabi'in, qui est-ce qu'on appelait le faqih? Qu'est-ce qu'on appelait le fiqh? C'était l'ilm qui est suivi de l'amal. C'est-à-dire le savoir qui est mis en pratique. Si quelqu'un savait beaucoup de choses mais ne mettait pas en pratique, on ne l'appelait pas faqih. Et par la suite, quand les disciplines islamiques elles ont commencé à bien se distinguer les unes des autres, la langue arabe, le hadith, le tafsir, comment on appelait la discipline qui consiste à apprendre les règles de l'oudo, les règles de la salat, on l'a appelé le fiqh. Donc est-ce que ça veut dire qu'à la base, par exemple le hadith que je vous ai dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne le fiqh. Est-ce que ça veut dire que le fiqh dans ce hadith, il veut dire cette discipline ou c'est plus vague? C'est plus général. C'est plus général, ça englobe toute la religion. Donc à la base, le fiqh, il ne veut pas dire le fiqh comme nous, on va le voir ici. À la base, le fiqh, c'est plus vaste. Mais après, on a employé le mot fiqh pour désigner une discipline précise, qui est ma'arifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. C'est-à-dire le fait de connaître les ahkam, les règles religieuses qui sont alliées ou liées aux actes des mukallafin, des individus responsables. En gros, qu'est-ce qu'on veut dire par fiqh? C'est deux grandes choses. Le chapitre des ibadat, c'est-à-dire la purification, tahara, comment je fais l'odo, comment je fais le rousse, pourquoi je dois faire l'odo, dans quel cas je dois faire le rousse, le tayammum, etc. Salah, zakat, le jeûne, le hajj, et après il y a ce qu'on appelle al-mu'amalat, c'est-à-dire le commerce, le prêt, l'usure, le mariage, le divorce, etc., etc. Pour vous faciliter, voilà, c'est ça le fiqh, c'est ça le sujet du livre. Donc déjà la traduction elle n'est pas bonne du titre. Jurisprudence simplifiée. Dans beaucoup, beaucoup de livres, ils traduisent le fiqh par la jurisprudence. Le fiqh, c'est pas la jurisprudence. Parce que la jurisprudence en français, qu'est-ce que c'est? C'est quand les juges, ils ont une loi et qu'ils sont face à un cas qui n'est pas dans la loi. Alors, ils doivent faire un ijtihad. En fait, ijtihad, c'est plutôt ça, la jurisprudence. C'est de chercher quand c'est pas dans les textes. Donc, le fiqh, une grande partie, elle est dans les textes. C'est pas de la jurisprudence, en fait. Donc le fiqh, en fait, comme on pourrait traduire, bah, plus ou moins, c'est le droit musulman. Sauf que, par rapport au droit, par exemple, français ou autre, premièrement, il vient d'Allah, deuxièmement, dedans, on parle de salat, on parle de zakat. C'est pas que les rapports entre les êtres humains. Il y a aussi le rapport avec le créateur. Bon, la muqaddima, je vous la passe. Alors, donc vous voyez qu'il dit la première partie des actes d'adoration. Après, premier chapitre, la purification, tout ça, je vous le passe, le sommaire, vous regardez vous-même. Ensuite, il dit, page 15, Temhid, avant-propos. Donc, cet avant-propos, c'est sur At-Tahara, la purification. Donc, la purification, c'est le premier grand chapitre du fiqh. Après viendra Salat. C'est logique, puisque on ne peut pas faire Salat sans être Al-Tahara, sans être purifié. Donc, on étudie d'abord la purification avant d'étudier la salah. Donc il dit ici Tamhid avant propos sur Tahara. Ta'rifuha, définition de la Tahara. Il dit At-Taharatu Luratan, c'est-à-dire dans la langue arabe. Vous suivez ceux qui veulent avec la traduction à côté. Vous regardez ce qui est écrit. At-Taharatu Luratan. Luratan veut dire dans la langue arabe. An-Nazafatu wa an-Nazahatu. La propreté et An-Nazaha, c'est appelé comme la propreté. Tahara, c'est le fait d'être pur, pur et propre. La propreté et la pureté. Nazara, c'est la pureté. Donc, il vous dit quoi ici? La propreté et l'exemption de tout ce qui est mauvais. Propreté et pureté, quoi. Ça, c'est en arabe. En arabe, Tahara, ça veut dire ça. Maintenant, il dit wa fil istilah. Donc, ici, en arabe, il manque le temps. Ils ont écrit fil islah. C'est n'importe quoi. C'est fil istilah. Qu'est-ce qu'on appelle al istilah? Le langage de la discipline, la terminologie, le lexique. C'est-à-dire souvent, il y a un mot, par exemple le mot salah. Qu'est-ce qu'il veut dire en arabe salah? Salah en arabe, ça ne veut pas dire ce qu'on a fait là. Bon, c'est plus vaste. Et dans l'istilah, c'est-à-dire quand on parle du fiqh, salah qu'est-ce que c'est? Ou dans l'islam, bah, c'est ce que c'est bon, par exemple. Donc c'est pour ça qu'ils vous disent l'oratan et filistilah. Donc qu'est-ce que ça veut dire tahara filistilah? Donc ils ont dit selon la terminologie jurisprudentielle. Zawal al-wasf al-qa'im bil-badani al-mani' min as-salati wa nahwiha. C'est la disparition de l'état relatif au corps qui interdit la prière et les choses analogues. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si par exemple quelqu'un il est allé aux toilettes, est-ce qu'il peut prier? Il ne peut pas prier. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle al-hadath. Al-hadath, c'est comme un état. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Al-hadath, c'est à la fois perdre l'eau d'eau, perdre la pureté, et être en état d'impureté. Ben, al-tahara, ça consiste à enlever cet état. En fait, à se purifier, pour pouvoir faire certaines choses qu'on ne peut faire que quand on est purifié. Qui sont, ils ont dit, qui interdit la prière et des choses analogues. C'est quoi ces choses analogues? Il n'y en a pas beaucoup. C'est la prière, le toucher le Coran et faire le tawaf autour de la Kaaba. C'est ces trois choses-là qui demandent le tahar. Ça, pour l'instant, en fait, c'est bien pour comprendre de quoi on parle. Donc, le tahara, en arabe, ça veut dire la pureté, la propreté. Dans le fiqh, dans ce qui nous concerne ici, ça veut dire pouvoir se purifier pour pouvoir faire certaines choses. C'est-à-dire la prière et autres. Anwa'uha, classification. At-taharatu fi shar'i. Quand on dit fi shar'i, il ne faut pas croire que ça veut dire la sharia. Shar', ça veut dire la religion, tout simplement. Il y en a beaucoup quand ils traduisent shar', ils disent la législation. En fait, shar', c'est un des noms de ad-din, tout simplement. Shar', c'est la religion. At-taharatu fi shar'i, la tahara dans la religion, elle est ma'nawiyya wa hissiyya. Ma'nawiyya, ça veut dire abstraite. Bon là, ils ont mis spirituel. Wa hissiyya, his, concrète, physique. Fal hissiyyatu taharatul jawarih wal ma'nawiyyatu taharatul qulub min danasiz dhunub. Donc ils disent la purification hissiyya, concrète. C'est la pureté des membres du corps, la pureté du corps physique. Et al ma'nawiyya, abstraite, c'est la pureté du cœur, de la saleté des péchés. Est-ce qu'on va en parler dans le fiqh? On n'en parle pas dans le fiqh, mais on parle de la première, la pureté des membres du corps. Parler de la pureté des membres du cœur, c'est quoi cette discipline? Comment on peut l'appeler? On peut l'appeler plus ou moins l'adab ou al-raqa'iq. C'est un autre domaine, le domaine du comportement, où on appelle ça aussi al-raqa'iq. Wal-hissiyyatu aydan, hiya al-fiqhiyya. Donc ils disent la concrète, c'est elle la fiqhiyya, c'est elle dont on parle dans le fiqh. التي تراد للصلاة أي طاهرا Il doit y avoir une faute en arabe ici. Ça veut rien dire, ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit en français? Ouais. Allati turadu li salah. Ay tahiran. Pourquoi ils disent ay tahiran? Bon, bref, ça ne change rien à ce qu'on dit. C'est que la purification physique, c'est celle-là dont on parle dans le fiqh. C'est celle qu'il faut pour pouvoir prier. Wahiya ala nawain. Ça, c'est bien. Parce que ce qui suit, il faut le savoir. Faut, tous ces schémas, il faut vous les faire dans la tête. Plus vous faites ces schémas-là, vous les distinguez bien, plus ce qui va suivre, ça va être facile. Ils disent Wahiya ala nawain. Tahara, elle est de deux sortes. Tahara tu hadef, wa tahara tu khabef. Tahara tu hadef, qu'est-ce que ça veut dire? Al-hadef, c'est cette caractéristique dans l'être humain qui fait qu'il ne peut pas prier. Comme quelqu'un qui sort des toilettes, il a le hadef. Il ne peut pas prier. Donc, une moitié de tahara consiste à enlever le hadef. Donc, comment, par exemple? Comment on enlève le hadaf? Les ablutions, tayammum et le rousse. Wa taharatu khabaf. L'autre moitié de tahara, c'est purifier, nettoyer le khabaf. Le khabaf, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pas abstrait, c'est concret. C'est les impuretés. C'est dans ce qu'on va voir dans, pas le chapitre suivant, celui d'après. C'est-à-dire enlever les saletés qui font que si je prie avec ça sur moi, ou sur mes vêtements, ou si je me prosterne dessus, ma prière n'est pas valable. Comment on appelle ça? Al-Khabaf. Exemple, l'urine, le sang, les excréments. Donc on l'appelle aussi comment? Khabaf ou Najas. Ou Najasa. Souvent, Najasa, c'est celui qui revient le plus. Donc la purification, ça consiste à deux choses. Se purifier de façon abstraite pour pouvoir faire la salat, et purifier de façon concrète les vêtements, le corps et le sol. Est-ce qu'on le purifie des saletés en général? Non. Oui, c'est bien, mais est-ce que c'est obligé pour que la prière soit valable? Non. Certaines saletés qu'on appelle najasa, sur lesquelles la religion nous a dit, si tu as ça sur ton corps, ta prière n'est pas valable. Parce que si je prie avec une morve sur mon kamis, c'est propre ou c'est sale? C'est sale. C'est sale. Est-ce que c'est najasa? Non, c'est pas un ajah, ça. Ma prière, elle est valable, c'est pur. Mais c'est sale pour nous. C'est-à-dire, c'est bien de la nettoyer. Mais si je la nettoie pas, c'est pas une ajah, ça. Ma prière, elle est valable. Donc, ça, c'est la propreté, c'est autre chose. Nous, on parle ici de taharatul khadaf. Fa taharatul hadafi thalaf. Maintenant, la première, taharatul hadaf, elle consiste en trois choses. Vous me les avez dit tout à l'heure. Kubra wa hiya al-ghusl. La grande tahara, kubra. Kubra, c'est le féminin de Kabir. Akbar. Non, féminin de Kabir, c'est Kabiratoum. Akbar, Kubra. La plus grande purification qu'on peut dire en français, majeure, c'est le rousl. Le rousl, le lavage complet. Wa sughra wa hiya al-wudu. Et la mineure, la plus petite, qui est le wudu, les ablutions. Et troisièmement, wa badalun minha. Et comment on dit en français? Peut-être il écrit là. Le substitut, magnifique. Et le substitut de l'ourdeau ou du rousse quand on ne peut pas les faire, qui s'appelle At-Tayammum, qui sera un chapitre entier. Donc, Taharatul Hadith, c'est trois choses: ourdeau, rousse, Tayammum. Ensuite, il dit Wa Taharatul Khabath, Thalaf. Et se purifier du khabaf, des impuretés, donc purifier le vêtement, le corps, le sol, c'est trois choses aussi. Raslun, donc là, attention. Moi, j'attends de votre part que, si vous suivez en arabe, vous notez bien les voyelles. D'accord? Et que parfois, quand je traduis autrement que ce qu'il y a dans le français, il faut noter s'il y a une différence avec ce que je dis. Parce que la traduction, des fois, c'est pas terrible. L'explication, c'est mieux que la traduction. Et ce que j'attends de vous aussi, c'est que, là ça va, mais je vais vous faire noter des trucs en plus. Donc vous ramenez un cahier ou un truc pour noter, et vous notez par exemple page 15, à tel mot, il faut que je rajoute ça. Et puis à la maison, vous le refaites au propre. Donc, se purifier des impuretés, c'est trois choses. C'est-à-dire, ça se fait de trois façons. Rasloun, et pas rousloun. C'est quoi le rousl? Al-Rousl, c'est quand je dois aller au Jumu'ah et je me lave complètement pour Jumu'ah. Ça, on dit roussel. Mais le fait de laver, quand je dis le lavage du visage, comment je dis? Est-ce que je dis roussel louadj ou rassel louadj? Rassel louadj. Al-rassel, le fait de laver. Qu'est-ce que c'est? Là, je le dis maintenant, je vais pas le répéter. Donc, c'est pour ça que on comprend bien. Ce chapitre, il est important. Rassloun, le fait de laver. C'est quoi le fait de laver? C'est le fait de prendre de l'eau et le verser sur le membre en question. Bon, là, il parle des impuretés. C'est-à-dire, j'ai une impureté, je verse de l'eau dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, je verse? Ça veut dire que, forcément, l'eau, elle va se répandre, ou si c'est un objet, elle va couler. Par exemple, laver mon bras, c'est que je fais passer de l'eau dessus, et l'eau va couler sur mon bras, et il y aura de l'eau qui va couler du bras. Quand j'ai fait ça, ça s'appelle rasl. Ou amasah. Une autre façon de purifier les impuretés, c'est masah. Masah, c'est essuyer. Et quand on parle de lourdeau, c'est essuyer, c'est-à-dire passer la main mouillée sur quelque chose. Donc masah, c'est essuyer. Là, il veut dire essuyer, tout simplement, à sec. Rasl, laver, du verbe rasala. Masah, frotter, essuyer, du verbe masaha. Parce qu'on va voir que certaines impuretés, on a le droit de simplement les... On n'est pas obligé de mettre de l'eau, on peut juste les frotter. Ou un nadah. Nadah, du verbe nadaha. Asperger. Donc ils ont écrit quoi là? Le lavage, la friction et l'aspersion. Nadaha veut dire asperger. C'est quoi la différence entre asperger et laver? C'est que, par exemple, je prends l'exemple de mon bras. Imaginons, je fais l'eau. Je prends de l'eau et je fais ça. C'est valable ça? C'est pas valable. Ça c'est nadah. Le premier que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le rasl. Quand je mets et je fais passer l'eau. Si je fais ça, je prends de l'eau et je la jette dessus, ça s'appelle nadah. Pour certaines impuretés, ça va être valable. On le verra plus tard. Donc cet avant-propos du shir, elle est vraiment bien. Parce que tout de suite, ça vous donne les notions. Donc aujourd'hui, on va au moins faire le premier chapitre. Donc page 17, enfin page 16 quoi, 16 et 17. Al-mas'alatu al-oula fil miyah, les eaux. Pourquoi les eaux? Pourquoi pas l'eau? Parce que l'eau, quand on regarde, on observe, on analyse les versets du Coran et les hadiths, on se rend compte que l'eau, elle peut changer de statut. Parfois elle peut être valable pour faire l'eau d'eau, et parfois elle peut ne pas être valable pour faire l'eau d'eau. Donc du point de vue de son statut, elle se divise en plusieurs catégories. Donc les fuqaha l'ont appelé Babul Miyah, au lieu de dire Babul Ma. Au lieu de dire le chapitre de l'eau, ils ont des chapitres des eaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une eau qui est pure, il y a une eau qui est impure, etc. Donc il dit Wal Miyahu Thalathatu Anwar. Les eaux sont de trois sortes. Est-ce qu'il y a un hadith qui nous dit les eaux sont de trois sortes, à votre avis? Non. Est-ce qu'il y a un hadith qui nous dit les conditions de la prière sont au nombre de 14? Non. Tout ça, c'est des choses que les savants ont retirées des hadiths. Et après, ils les classifient pour que le muslim il apprenne tranquillement. Donc l'eau, elle est de trois sortes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que quand on médite sur les hadiths, on se rend compte que l'eau, elle est de trois sortes. Il dit Donc ils ont dit les eaux sont de trois qualités, c'est-à-dire plutôt trois catégories en fait. النوع الأول الطهور الماء الطهور l'eau pure. Il dit وهو الباقي على صفته التي خلق عليها. Il dit l'eau dit tahour, c'est l'eau qui a gardé sa qualité selon laquelle elle a été créée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire c'est l'eau telle qu'elle est dans les puits, telle qu'elle tombe du ciel, telle qu'elle est dans les fleuves, l'eau telle qu'Allah l'a créée et qui reste telle qu'elle est. On l'appelle Alma ou Tahour. Que veut dire Tahour? Tahour veut dire Tahir Mutahir. C'est-à-dire elle est pure et purifiante. Et Allah a dit dans le Coran, Wa anzalna minas sama'i ma'an Tahoura. C'est Allah qui l'a nommé Tahour. Nous avons fait descendre du ciel une eau Tahour. Tahour, c'est-à-dire pure et qui purifie. Donc il dit, c'est l'eau qui est telle qu'elle a été créée. وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر. Donc il dit cette eau lève l'état de souillure, hadath. C'est-à-dire si on fait le wudu avec ou si on fait le roussel avec, est-ce qu'on peut prier après? On peut prier. Elle enlève le hadath. et enlève la matière impure qui vient salir un endroit qui était auparavant pur. En fait, en arabe, c'est mieux. Il dit وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ الطَّارِئَةَ عَلَى الْمَحَلِ الطَّاهِرِ. C'est-à-dire, si un endroit, que ce soit un corps, ou un vêtement, ou un sol, ou un mur, sur lequel il y a une najasa, l'eau qui est qualifiée de tahour peut purifier cet endroit ou ce mur ou ce, bien sûr, si on lave. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que c'est cette matière-là qui sert à faire l'eau d'eau et à purifier les impuretés. Ici, vous pouvez ajouter et toute autre matière qui arrive à faire aussi bien que l'eau est valable pour enlever les impuretés. Si quelqu'un me dit par exemple, je sais pas, mon petit a fait pipi par terre. Et une flaque de pipi par terre. Il enlève ça avec de l'eau. C'est valable ? C'est valable. Il enlève qu'avec du javel. Et à la fin, il n'y a plus de pipi. C'est valable ou pas ? C'est valable. Si quelqu'un lui dit, bah ouais, non, il n'y a que l'eau qui purifie. L'eau est ce qui fait comme l'eau. Et ça, c'est un des avis de l'imam Ahmed et c'est l'avis de Abu Hanifa rahimahullah. Abu Hanifa, il est d'avis que il n'y a pas que l'eau qui peut purifier les impuretés. Parce que ce qu'on regarde, c'est le ma'na, c'est le sens. Ce qu'on veut, c'est que la pureté, elle parte. Que ce soit avec de l'eau ou avec autre chose, ce qu'on veut, c'est qu'elle parte. C'est ça qui est intéressant de retenir, que vous retenez. C'est que, est valable pour purifier les impuretés, l'eau pure et tout ce qui peut en faire autant. Tout ce qui fait ce qui a la même fonction, qui peut faire disparaître un najasa. Donc nous, maintenant, avec les produits qu'on a, par exemple, bah, ton produit, peut-être qu'il fera encore mieux que l'eau. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Donc là il a cité un verset qui dit et Allah fait descendre sur vous du ciel une eau pour vous purifier avec. Donc on en comprend que l'eau, son état originel, c'est at-tahur, elle est pure et purifiante. Donc là vous pouvez noter si vous voulez que les savants sont unanimes pour dire que l'eau à la base, telle qu'Allah l'a créée, elle est tahur, elle est pure et purifiante. Ça, c'est notre point de départ. Et dans un hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. » L'eau est pure et purifiante, rien ne peut la rendre impure. Ça veut dire que c'est le principe de base. Dans le fiqh, il faut toujours des bases. Et après, on construit. Le principe de base, d'abord qu'il faut dire, avant de dire l'eau, elle est impure, elle n'est pas impure, c'est déjà qu'on comprenne que l'eau, telle qu'Allah l'a créée, quand elle est dans son état originel, elle est pure et purifiante. النوع الثاني الطاهر. Deuxième sorte d'eau, الطاهر. L'eau qui est pure. C'est-à-dire, elle est pure, mais elle n'est pas purifiante. Elle est pure, c'est pas une impureté, mais tu peux pas faire l'eau d'eau avec. Elle n'est pas purifiante. Quelle est-elle? Il dit وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة. Il dit c'est une eau qu'une matière qui n'est pas impure a altéré sa couleur ou sa saveur ou son odeur. Et là, il faut s'arrêter pour préciser quelques petits trucs. Première précision. Si, là il veut dire, l'eau qui est tahir, c'est une eau dont le goût, l'odeur et la couleur a été changé par quelque chose de pur. Parce que si c'est changé par quelque chose d'impur, c'est la troisième catégorie, elle devient impure. Quelque chose de pur vient à changer l'eau. Donc on a de l'eau, transparente, sans goût, sans couleur, sans odeur. Quelqu'un ou quelque chose vient dedans et change une des caractéristiques de l'eau. Première chose, si la chose qui est tombée dans l'eau, c'est une chose, on dit comme ça en arabe, « ma yashukru sawmul ma'i anhu ». C'est-à-dire une chose dont on ne peut pas protéger l'eau. C'est impossible, on ne peut pas l'épargner. Exemple, les végétaux qui poussent dans les flaques d'eau. On appelle ça tohlou, tahlab. Comme les nénuphars ou dans les forêts, par exemple, si vous trouvez des mares, ben vous voyez que l'eau, elle est changée par notamment des végétaux. Ou alors par la terre qui est en dessous, sur laquelle elle est, cette eau. Ou alors par les feuilles d'arbres qui tombent dedans. Ou alors, par exemple, la mer. La mer, est-ce que vous allez me dire qu'elle n'a pas de couleur? Elle a une couleur, elle a un goût et elle a une odeur. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'eau d'eau avec? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la mer, Ruat Tahur ou Ma'ouhu, son eau est Tahur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas protéger la mer contre le sel, contre les algues. On ne peut pas faire autrement. C'est des choses naturelles. Ça, les savants sont unanimes que ça laisse l'eau Tahur. C'est-à-dire tout ce dont on ne peut pas protéger l'eau, qui vient la changer naturellement dans les forêts, dans les fleuves, dans la mer, dans les mares, ça ne change. L'eau, elle reste Tahur, même si elle change, même si elle change beaucoup. Sauf si ça devient de la boue, par exemple. La boue, c'est de la boue, c'est plus de l'eau. Ça, c'est une chose. Maintenant, parlons d'un autre cas de figure. Le cas de figure où l'eau, elle vient à changer par la volonté de quelqu'un qui pose quelque chose dedans. Ou quelque chose dont on pourrait protéger l'eau. Donc, exemple, du café. Le café, c'est de la poudre. Si elle tombe dans l'eau, elle va changer son goût, son odeur, sa couleur. Ou du parfum, ou du savon, ou quoi que ce soit. Donc là, vous notez, donc quand il dit, c'est une eau qu'une matière qui n'est pas impure à altérer sa couleur ou sa saveur ou son odeur, sauf si c'est une chose dont on ne peut pas protéger l'eau, exemple le sel dans la mer, les végétations dans les mares, les feuilles des arbres dans les forêts. Et deuxième chose, vous notez, si elle change l'eau jusqu'à lui donner un autre nom. Je vous explique. On prend l'exemple du café. J'ai de l'eau à la maison. Je prends le café dans l'armoire, le café il tombe dans l'eau. Et l'eau il commence à prendre une petite couleur marron, même si je sens une petite odeur. Est-ce qu'il est resté tahour? Ou est-ce que maintenant il est tahir et je peux plus faire l'eau d'eau avec? Je regarde. La question c'est, est-ce que je peux toujours l'appeler de l'eau ou pas? Donc là en l'occurrence je peux toujours l'appeler de l'eau? Oui. Même si son odeur elle a changé, même si sans doute son goût il a changé, mais est-ce que c'est de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau qui a été un peu changée. Et de toute façon, elle n'est pas plus changée que l'eau de mer. Elle est changée par les algues, le sel, etc. Donc ça reste de l'eau. Par contre, je mets du café dans mon filtre, je mets de l'eau qui est en haut, et j'appuie sur le bouton. Et dans 5 minutes, j'ai de l'eau, mais l'eau elle est noire. Elle a la couleur noire, elle a le goût du café, l'odeur du café. Et comment je l'appelle? Café, je l'appelle plus de l'eau. En vrai, c'est quoi ça? C'est de l'eau en fait. Mais comment je l'appelle? Café. Je l'appelle café. Donc, je peux plus faire l'eau d'eau avec. C'est ça qui est tahir. Donc, en fait, tahir, c'est ce qu'on peut plus appeler de l'eau. Donc, en fait, c'est plus de l'eau en vérité. Mais c'est tahir. Pourquoi c'est tahir? Parce que c'est pas une impureté ça. C'est pas une impureté. Mais est-ce que tu peux faire l'eau d'eau avec? Non. Du coca, c'est de l'eau. Mais on a mis un tas de trucs dedans qui fait qu'on a peu. Si je te dis sers-moi un verre d'eau, tu ne me sers pas un verre de coca. Donc, la règle, c'est que si quelque chose de pur vient à changer l'eau, tant que ça s'appelle de l'eau, je peux faire l'eau d'eau avec. Si ça s'appelle plus de l'eau, je peux plus faire l'eau d'eau avec. Si ça s'appelle plus de l'eau, est-ce que ça veut dire que c'est devenu une najasa? Non, c'est pur, mais c'est pas de l'eau. D'où est-ce qu'on retire ça? Du Coran. Quand Allah nous a dit, wa in kuntum marda, ou ala safarin, ou jaa ahadun minkum min al-ghaitin, ou lamastum an-nisa, falam tajidu ma'an, fatayammamu sa'idan tayyiban. C'est-à-dire, si vous êtes malade, in kuntum marda, ou en voyage, ou que l'un d'entre vous revient d'avoir fait ses besoins, ou que vous avez touché les femmes, et que vous ne trouvez pas Ma'an, de l'eau. Alors faites-le tayammum. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il explique? Ça veut dire qu'Allah t'a autorisé le tayammum quand tu n'as plus d'eau. Donc tant que ce qui est devant toi s'appelle de l'eau, tu ne peux pas faire tayammum. Donc c'est ça le critère. Il est dans le Coran en fait, très simple. Tant que ce que j'ai devant moi s'appelle de l'eau, même si ça a été un petit peu changé, ça reste de l'eau. Je fais l'eau d'eau avec. Si ça a changé au point de devenir du café, du thé, de la sauce, de la soupe, c'est de l'eau, hein, tout ça. Mais on l'appelle plus de l'eau. Eh bien, je peux plus faire de l'eau d'eau avec. Bon, on s'arrête. Ou bien on fait l'eau impure. Et le reste, on voit la prochaine fois. Donc il dit, وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ النَّجِسُ. Là, on dit najis, on ne dit pas najas. Donc c'est quoi la différence entre najas et najis? Najas, c'est l'impureté, comme le khabath. Najis, c'est la chose qui est touchée par la pureté. C'est-à-dire que, par exemple, mon vêtement, il est pur. Et dessus vient se coller une najasa ou un najas, une impureté. Cette impureté-là, par exemple, de l'urine, tu peux la laver autant que tu veux, ou par exemple, un excrément d'un animal qu'on n'a pas le droit de manger. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Est-ce qu'il va se purifier, lui? Lui, il est impurifiable. Ça, c'est ce qu'on appelle un najasatul ayniya, impur en soi-même. Ça vient se frotter à mon vêtement et faire une trace. Mon vêtement, il est najis, pas najas. Parce que mon vêtement, c'est pas une impureté. Mais il est mutanajis. C'est-à-dire il est devenu impur à cause de la pureté. Donc on dit najis ou mutanajis. Donc là, la troisième, c'est alma ou najis. L'eau impure, c'est facile, l'eau impure. Qu'est-ce que c'est? Huwa al-mutaghayyiru bin najasati qalilan kana aw kathiran. Tout simplement. Il dit donc en français, l'eau dite najis, c'est une eau qui a été altérée par une matière impure. Peu importe si cette eau est en faible quantité ou en grande quantité. Donc on revient au cas précédent. On a de l'eau, quelque chose tombe dedans et change son odeur ou son goût ou sa couleur. Et cette chose, c'est une impureté, une najasa. Exemple, de l'urine, des excréments, du sang. L'eau devient najis. Interdite de la consommer, interdite d'utiliser, interdite de faire l'eau d'eau avec, l'eau d'eau il passe pas, etc., etc. C'est une impureté, elle est impure. Donc l'eau najis c'est facile, c'est quand elle change, une de ces trois caractéristiques change à cause d'une impureté. Quel est le dalil de ça? C'est facile, c'est l'ijma. L'ijma, c'est-à-dire les savants sont unanimes sur ça depuis toujours, comme le disait, notamment l'imam Shafi'i, il disait ça, rahimahullah, l'imam Ahmed, rahimahullah, il l'a dit. Que les savants, depuis toujours, ils sont unanimes sur ça. Si l'eau change de goût, de couleur ou d'odeur, à cause d'une impureté qui est entrée en contact avec, l'eau devient impure. C'est bon? Comme ça, on a fait les trois sortes d'eau. Tahur, tahir, tahir en vérité, c'est plus de l'eau, et najis. Et les points qui sont en dessous, là, les informations en plus, on les fera la semaine prochaine. Et on termine avec les hadiths. Donc les hadiths, donc j'ai choisi de vous faire le livre, la fin du livre Boulour al-Maram. En fait, Boulour al-Maram, c'est un recueil de hadiths qui est à peu près 1300 ou 1400, je ne sais plus, hadiths qui portent principalement sur le fiqh. C'est-à-dire Boulour al-Maram, c'est, comme là on étudie le fiqh, ben, l'auteur du livre, Ibn Hajar al-Asqalani, il a compilé des hadiths qui parlent que de ça, que du fiqh. Wudu, salat, etc., etc. Mais par sagesse, à la fin du livre, il a mis un chapitre qu'il a appelé Kitab al-Jami'a, le livre général, comme ils vous l'ont traduit, le livre des généralités. Et là, il va citer tout ce qui relève de la politesse, du comportement et du spirituel. Pourquoi? Pour attirer notre attention sur le fait que le musulman, certes, il apprend des choses qui sont carrées, les heures de prière, qu'est-ce qui fait que je dois faire l'eau, qu'est-ce qui casse l'eau, l'eau pure, l'eau impure. Il y a une partie du Hin qui est comme ça. Mais il ne doit pas oublier tout ce qui relève de la morale, du comportement, de la politesse et du spirituel. Et on peut presque dire que celui-ci, il est aussi important, voire plus important que le premier. Parce que grâce au premier, tes actes d'adoration ils sont valables, tes ablutions sont valables, donc ta prière est valable, etc. Mais grâce au deuxième, c'est ta foi qui devient complète. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Akmalul mu'minina imana » Ahasinuhum khuluqa. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont la meilleure conduite, le meilleur comportement. Donc c'est pas moins important. Et c'est pourquoi d'ailleurs les savants ont toujours écrit des livres sur le sujet du adab et du khuluq. Et quand on regarde le sahih de l'imam al-Bukhari, on trouve des chapitres dessus. Alors l'imam al-Bukhari, après, il a écrit un autre livre qui s'appelle Adabul Mufrad. Al-Adab. Donc le livre en fait il s'appelle Al-Adab. Et pourquoi il a rajouté Al-Mufrad? Parce que il y a déjà le chapitre de Al-Adab dans son Sahih. Mais là c'est Al-Adab tout seul. Il n'y a que ça, le livre ne parle que de ça. C'est pour ça que ça s'appelle Adab Al-Mufrad. Al-Tirmidhi, Abu Daoud, tous ils ont mis des chapitres, ou beaucoup d'entre eux, des chapitres sur l'Adab dans leur livre de Hadith. Les Fuqaha, par exemple si on prend les Fuqaha du Madhab Hanbali, de l'imam Ahmed, eh bien, ils ont toujours écrit des livres sur l'adab. Et un des livres les plus connus, c'est l'adab al-shari'a de l'imam Ibn Muflih, rahimahullah, des années 600. Il a écrit un gros livre que sur l'adab, avec les avis de l'imam Ahmed, etc., sur l'adab. Chez les Malikites, on observe que beaucoup de leurs livres, ils sont composés en trois. Une partie sur l'irtiqad, la croyance, ensuite le fiqh, et à la fin l'adab, comme la Risalat ibn Abi Zayd. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il a divisé son livre qui est censé être pour les débutants, quoi. Le début, la croyance, la suite, le fiqh, donc ça c'est plus long, et à la fin également as-suluk, c'est-à-dire le comportement et l'adab. Ici, donc là pour moi, pour vous faire l'explication, je suis le livre du Cheikh Abdullah Al-Fawzan. Donc vous entendez Al-Fawzan, vous croyez que vous connaissez, mais c'est pas Salih Al-Fawzan, c'est Abdullah Al-Fawzan. Abdullah Al-Fawzan, c'est un autre savant, un grand savant, qui écrit énormément de livres, très ilmi, entre guillemets, c'est-à-dire il est vraiment versé dans le savoir religieux, et il a écrit ce que beaucoup considèrent comme la meilleure explication de Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, le livre de hadith là, que vous avez téléchargé ou acheté, il y a beaucoup de savants qui l'ont expliqué dans les cours ou par écrit, parce que c'est un livre important. Celui qui connaît tous les hadiths de Bulugh al-Maram, il connaît une grosse part de la religion, s'il les étudie. Eh bien, la meilleure explication, Wallahu a'lam, ou une des meilleures en tout cas, c'est celle-ci, elle s'appelle Minhatul Allam. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que je vous dis est dans le livre, et ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui est dans le livre, je vous le dis. Mais moi, je suis l'ordre du livre. Donc par exemple, ici dans l'intro, il a cité une parole de Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, qui disait « Man tahawana bil adabi uqiba bi hirmani sunan » Celui qui prend à la légère l'adab, le comportement, Allah le punira par le délaissement des sunan. Il le privera des sunan. Ici, il entend par sunan les pratiques qui sont recommandées, comme les nawafil, etc. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَانِ عُقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ Et celui qui prend à la légère les sunan, Allah le punira par la privation des faraïd. C'est-à-dire, il ne fera pas les obligations comme il faut. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ Et celui qui prend à la légère les obligations, il sera privé. Il sera puni en étant privé de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance d'Allah. Wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, et Ibn al-Qayyim disait, donc Ibn al-Qayyim, celui-là je pense que vous connaissez tous ce cheikh, c'était le grand élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, et Ibn al-Qayyim rahimahullah, en fait, lui il a écrit énormément de livres qui tournent autour de ça, la spiritualité, le comportement, etc., le cœur, etc. Il disait rahimahullah, Adab al-mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Il disait la politesse de l'individu est le signe de son bonheur et de sa réussite. C'est-à-dire que généralement, si quelqu'un il est poli et il a un bon comportement, c'est un signe comme quoi il va réussir dans l'au-delà. Wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawari. Et son manque de politesse, c'est le signe de son malheur, c'est-à-dire de sa perte. Fama stujliba khayru ad-dunya wal akhirati bi mithli al-adab. Il dit, le bien d'ici-bas et de l'au-delà n'a pas été stujliba, c'est-à-dire, il n'y a rien qui t'attire le bien plus que l'adab. C'est-à-dire, si tu veux le khayr dans ta vie et dans l'au-delà, il n'y a pas mieux pour l'attirer que l'adab, le bon comportement. Et il dit, il n'y a rien qui prive du bien d'ici-bas et de l'au-delà plus que le manque de adab, le manque de politesse. On fait le premier hadith et puis dans 5 minutes, donc ça fera une heure. Donc il commence en disant « Ma ja'a fi haqqi al-muslimi ala akhi » Donc ce qui concerne le droit du musulman sur son frère. « An abi hurayrata radiallahu anhu qal, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, haqqu al-muslimi ala al-muslimi sittun » Donc Abu Huraira rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le droit, plutôt on va traduire par les droits, bien sûr, les droits du musulman sur le musulman sont 6, sont au nombre de 6. Donc ça déjà on s'arrête en disant que ça ne veut pas dire que tous les droits des musulmans vis-à-vis du musulman sont 6. Mais ça c'est un style du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois dans un majlis, dans un cours, il disait par exemple les péchés sont au nombre de tant. Et il en cite 7 par exemple. Ici, il dit les droits du musulman sont 6, alors que dans un autre, il dit 5. Donc, il ne faut pas comprendre par là qu'ils sont seulement 6. Mais il a voulu montrer certains qui sont très importants. Ou alors, par exemple, dans ce dars-là, il a voulu dire 6 et il a voulu parler d'autres plus tard. Donc, il ne faut pas en comprendre al-hasar, le fait que c'est exhaustif et que c'est réduit à ces 6. Et le cheikh, d'ailleurs, il fait une belle parenthèse, il dit, les droits du musulman, vis-à-vis du musulman, ils sont plus nombreux que ça, et ils sont réunis dans le hadith. Il y a un hadith, oui, il fait le hasr. C'est « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. » Nul d'entre vous ne sera un vrai croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça résume tous les devoirs et les droits du musulman vis-à-vis de l'autre. Ça résume tout. Mais dire « il y en a 6, il y en a 13, etc. », il n'y a pas de hadith qui dit ça. Et il y en a beaucoup. Donc il dit ici « Iza laqitahum fasallim alayh » Quand tu le rencontres, salue-le. Sallim, c'est-à-dire dit Assalamu alaikum. Donc ici, est-ce que ça signifie, quand on parle de droit du musulman sur le musulman, on pourra en comprendre que c'est une obligation. Mais la grande majorité des savants disent, et Ibn Abdelbar, rahimahullah, Ibn Abdelbar, c'était un savant d'Andalousie, entre les années 300 et 400. Il disait qu'il y a l'ijma, consensus. Tous les savants sont unanimes pour dire que quand tu croises quelqu'un, lui passer le salam en premier, c'est pas obligé. Mais c'est quand même fortement recommandé. Donc le mot ici, haqqul muslimi, le droit du musulman vis-à-vis du musulman, ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de fard. Ça peut être simplement quelque chose de fortement recommandé, mais pas obligatoire. Ensuite, il dit. Donc, إذا لقيته فسلم عليه. Quand tu le rencontres, salue-le. وإذا دعاك فأجبه. Quand il t'appelle, réponds à son appel. C'est-à-dire quand il t'invite, réponds à son invitation. وإذا استنصحك فانصحه. Quand il te demande nasiha, le conseil, conseille-le. Et la vraie version du hadith, c'est pas انصحه, c'est انصح له. En arabe, les deux ils sont corrects. Et le plus haut en arabe, c'est de dire. En fait, dans Sahih Muslim, c'est pas écrit fansahu, c'est écrit fansah lahu. Comme dans le Coran, wa inna lahu lanasihun. Lahu lanasihun. Le plus éloquent, c'est de dire lahu. Mais insahu, conseille-le, entre guillemets, c'est valable aussi en arabe. Wa idha atasa fahamidallah fasammithu. Si il éternue et dit alhamdulillah, sammithu. Prie pour lui, comme on va le voir après. وإذا مرض فعده quand il est malade visite-le وإذا مات فاتبعه quand il meurt suis-le رواه مسلم rapporté par مسلم. Donc qu'est-ce que le cheikh a cité notamment dans l'explication? Il a parlé de du salam premièrement, puisque la première chose c'est إذا لقيته فسلم عليه. Donc il dit le salam, ça fait partie des belles choses en islam. Et c'est une cause qui amène l'amour des musulmans les uns pour les autres, parce que c'est une dua. Quand quelqu'un dit salam alaik, en fait tu demandes assalama pour la personne, dire qu'il soit épargné de tout mal. Et en plus, si tu rajoutes wa rahmatullahi wa barakatuh, donc tu demandes pour lui la miséricorde d'Allah et le barakat, c'est-à-dire tout le bien qui provient d'Allah. Donc c'est une dua immense, assalam. En plus, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que assalam, comme Allah dit dans le Coran, tahiyatan min indillah, mubarakatan tayyiba. C'est un salut qui vient d'Allah. C'est-à-dire, on ne le connaît que parce qu'Allah l'a révélé. Ça a été révélé du ciel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas quelque chose à la légère. Donc c'est la sunna. C'est ce qu'Allah nous a enseigné. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est remplir ton devoir envers ton frère. Et c'est pourquoi il faut, même si c'est pas obligatoire, toujours s'efforcer à dire le salam à celui que tu connais, celui que tu connais pas, et à le dire en premier. Et là il a cité certains hadiths à ce sujet, comme le hadith la tatrouluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous n'entrerez au paradis que quand vous serez des vrais croyants, et vous ne serez des vrais croyants que quand vous aimerez les uns les autres. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama baynakum. Est-ce que vous voulez que je vous indique une chose qui, si vous la faites, vous aimerez les uns les autres? Afshu salam. Afshu. Répandez le salam, le salut entre vous. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Ça, c'est quand il a parlé des deux personnes qui s'évitent pendant trois jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Et le meilleur des deux est celui qui يَبْدَأ, c'est-à-dire qui commence, c'est-à-dire qui dit le salam à l'autre en premier. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ. Et dans un hadith, il dit أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ, c'est-à-dire parmi les gens, le plus digne d'Allah est celui qui dit le salam aux autres en premier. Ça s'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Dans un autre hadith, quand quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayyul Islami Khair, Ayyul Islami Khair, c'est-à-dire c'est quoi le mieux en islam, قال تُطْعِمُ الطَّعَامُ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. Il lui a dit, tu donnes à manger aux gens et tu dis le salam à ceux que tu connais comme à ceux que tu ne connais pas. Ça, c'est dans Sahih Muslim. قال النووي رحمه الله. النووي a dit, pourquoi النووي revient souvent dans les livres? Chaque fois, قال النووي, قال النووي. Parce que النووي, c'était un grand faqih shafi'i. C'est-à-dire dans le mazhab de l'imam shafi'i, limite certains ils disent en fait les gens ils sont plus shafi'is, ils sont nawawi, c'est-à-dire c'est nawawi qui c'est un des grands du madhab de l'imam shafi'i, c'est un nawawi, et il a écrit beaucoup de livres dans le fiqh, dans le madhab de l'imam nawawi, de l'imam shafi'i, à plusieurs degrés, des grands livres avec tous les khilafs, des livres moyens, et aussi il a fait le charh de Sahih Muslim, le charh de Sahih Muslim qui est très connu. Donc il a dit أي لا تخص به المعارف كما يفعله بعض الناس تكبرا أو تهاونا. Il dit ceci signifie ne consacre pas ton salam qu'à ceux que tu connais comme le font certaines personnes par orgueil ou par négligence. ويتضمن هذا أن لا يكون بينك وبين أحد معادات ونحوها مما يمنع في العادة عن السلام بسبب والله أعلم. Il dit et ça implique, ça c'est pas écrit dans le hadith, ça implique qu'il n'y ait pas une cause d'animosité entre toi et les autres, parce que ça, ça empêche de dire salam. En fait, c'est comme s'il disait, le hadith, il nous fait comprendre qu'au maximum, il faut éviter de t'embrouiller avec les gens. Il faut régler les affaires que tu as avec les gens. Pourquoi? Parce qu'il dit, passe le salam en premier. Or, si tu as une embrouille, tu ne passes pas le salam en premier. Donc ça prouve qu'il faut enlever les embrouilles. Et il faut enlever les... Il faut éviter les problèmes. قال عمر بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. عمر بن ياسر disait رضي الله عنه, trois choses celui qui les a complété la foi, il a réuni toute la foi: être juste envers toi-même, c'est-à-dire être clairvoyant et juste envers toi-même, وبذل السلام للعالم, donner le salam au monde, c'est-à-dire à tout le monde en fait, à ceux que tu connais comme ceux que tu ne connais pas, et dépenser minal iqtar, c'est-à-dire dépenser même si tu as peu. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min ashrat as-sa'ati an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alayhi illa lil-ma'rifah. Donc il a cité ce hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de l'heure, il y a le fait que l'individu saluera une personne que parce qu'il la connaît. C'est-à-dire que les gens se salueront plus s'ils ne se connaissent pas. Ensuite, il a parlé de comment dire le salam, comment rendre le salam, etc. Donc, et aujourd'hui, peut-être on n'a pas fait beaucoup parce qu'on a parlé un peu de Boulour al-Maram, du comportement, mais ne vous inquiétez pas, le but c'est d'avancer. Ça ne va pas être un hadith par exemple le dimanche. Je vais essayer de vous en faire 2, 3, 4 par dimanche en vous résumant à chaque fois les sujets. Bon, ce hadith on ne l'a pas fini, mais à partir de dimanche prochain, ça ira plus vite. Inch'Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je vous conseille de ces cours, faut pas les prendre à la légère. Lorsque je vous balance, c'est pas mal. C'est des choses, mashallah, si vous les révisez, vous les apprenez, surtout le fiqh, là vous apprenez des choses, vraiment, mashallah, si vous les connaissez, c'est pas mal, c'est beaucoup. Donc faites-vous-en un petit programme, vous prenez des notes, et puis dans la semaine, il n'y a pas grand-chose comme vous voyez, vous révisez. Comme on a dit par exemple sur l'A'la, l'élévation d'Allah, elle se divise en trois. quand Allah s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il n'y a pas une preuve, toute la communauté est concernée. Ça, vous ne vous rendez pas compte, mais ça, c'est des qawaïd qui s'apprennent dans les cours des ulama. De toute façon, que j'ai retiré des cours des ulama. C'est des choses qui, si vous connaissez ça, c'est quand même des gros bagages qui vous aident à comprendre la religion. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.